Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Television, Television, être le premier à terminer une série devient une tendance sur Netflix. Dans Merci Science, une molécule qui supprime les pensées indésirables du cerveau. Dans Célix, un jeune homme hack son université pour modifier ses notes. Dans Tout ce qui bouge, le robot fessier qui teste l'assise des sièges Ford. Et d'un gamer à un autre avec Frédéric Simon. Le Mathieu Plante Show commence tout de suite. Voici celui qui a testé assez de chaises dans le studio pour s'acheter un coussin. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Cette semaine, l'émission est de retour en direct. Oui, après une semaine de... Ben, on fait un temps en direct la semaine passée aussi, mais c'est un spécial musical intemporel à rediffuser plus tard. Donc pour la semaine du 13 novembre 2017, comme toujours, la chronique télévisuelle Television Television, la chronique de sciences, technologie et médecine, merci science, le segment X et NX, dans une demi-heure, et là on leur tient, dans une demi-heure environ, ce sera la chronique sur les jeux vidéo d'un gamer, d'un autre gamer à un autre, oui, avec Frédéric Simon. Salut Frédéric. Salut Mathieu. Tu voulais pas être le gamer, t'es l'autre gamer. Je suis l'autre gamer. C'est ça, même si on a eu des nouvelles de notre premier gamer... Sergent. Monsieur Samuel Girard. Sergent Samuel Girard, qui va être de retour avec nous probablement dans l'émission de la semaine prochaine, en fait. Oh là là! Oh là là! Mais toi, tu t'en viens tantôt avec ta chronique. Qu'est-ce qui, de quoi tu nous racontes aujourd'hui? Je vais vous parler, entre autres, de EA, qui est un peu dans la controverse. C'est Electronic Arts? Electronic Arts. Concernant le jeu Battlefront 2, on en avait déjà parlé dans une autre chronique, mais là, c'est arrivé quelque chose. Ils sont encore mis les pieds dans les plats. Hey, ça se peut-tu, hein? Alors. Et on sait pas ce qu'ils font, les autres, là, mais ils font pas ça comme il faut. Non. C'est l'affaire. Donc c'est dans une demi-heure environ dans d'un autre gamer à un autre. Dans quelques minutes on va faire Television Television, mais avant ça on écoute un petit peu de musique chiptune. On a débuté l'émission. Je sais pas si tu l'as reconnu, Frédéric, étant donné que t'es quand même un amateur et tu nous as parlé de Cuphead dans les dernières semaines. C'était une chanson du jeu Cuphead, Botanic Panic, James Landino Electro Swing Remix, masterisé par DJ Cutman qu'on a entendu. Il y a aussi un petit vidéoclip que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com. La trame sonore de Cuphead qui a été composée par Christopher Madigan. Et puis on a créé un petit mix EDM Swing de Botanic Panic. C'est la seule pièce qu'on avait. J'ai cherché pour en trouver, donc il n'y en a pas pour l'instant. Donc c'est grâce à l'étiquette Game Chops qu'on a entendu ça, super accrocheur. La prochaine pièce qu'on s'en va entendre vient d'un autre album, d'un album, parce que c'est pas un album, Sonic Mania Remixed, un autre jeu dont tu nous as parlé dans les dernières semaines, ce Sonic Mania, hein, que t'as pas encore joué énormément, mais tu l'as. Oui. L'important, c'est de l'avoir. C'est ça, mon Dieu. Donc, sur ce CD-là par Tiny Waves, on écoute l'artiste Ben Briggs. Voici Studio Palace Zone de Sonic Mania Remixed. Tout de suite au Mathieu Plancho et après ça, c'est Television, Television. Et Studio Palace Zone sur Sonic Mania Remixed au Mathieu Plancho. Une autre pièce de cet album-là tout à l'heure, mais pour l'instant c'est Television Television. C'est Television Television, la collègue où on parle de nouvelles télévisuelles depuis les deux et trois dernières semaines environ. Enfin, j'étais pas là la semaine passée. J'étais là, mais j'étais pas là. J'étais comme là, mais juste amusé. Juste pour parler, c'est ça. J'étais, pour vrai, il n'y a même pas eu un seul silence. Je parlais par-dessus les pièces, fait que c'était, il n'y a pas de contenu là-dedans. Pardon. Bon, on a découvert 8-Bit Weapon, un groupe de musique chiptune. Donc, de retour en direct pour mentionner donc ces nouvelles qu'on a peut-être sautées, seulement les plus importantes, bien sûr. Commençons par le retour de taxi payant sur VTD. Ils peuvent faire des bonnes choses. Ils peuvent faire des bonnes choses. Ils se forcent. Je vais t'aider. Le taxi payant d'Alexandre Barrette, donc, ne sera pas resté longtemps arrêté. Hein. 6 mois après avoir décidé de mettre fin au populaire jeu télévisé, la chaîne a annoncé que le véhicule reprendra la route dès cet hiver, qualifié d'une des marques phares de V. Hein, c'est pour ça que t'y retires. T'sais, quand les choses vont bien, c'est la plotte. Ben oui, c'est ça, c'est quitter le... au sommet. C'est ça, c'est, oui, c'est 2017, on va vers l'avant. Bref, une des marques phares de V, par le directeur principal de la programmation et développement de la chaîne, Jacques Mathieu, à l'émission Taxi Payant, qui pourra une fois de plus compter sur l'humoriste à l'animation. Donc on parle d'Alexandre Barrette, qui a partagé la nouvelle sur Facebook, en disant que Taxi Payant, c'est comme Mel Gibson dans Cœur Vaillant, c'est pas tuable. Aux quelques 230 épisodes, waouh, déjà offerts lors des 8 précédentes saisons, s'en ajouteront 13 de 30 minutes, toujours produit par Zone 3. Ça va être la première fois que le tournage va avoir lieu à l'automne, évidemment, vu que l'émission n'était pas en onde à l'automne. Hein, mm-hmm. C'est vrai. Parmi les passagers, entre autres, des personnalités publiques, on tombe dans le piège d'amener des vedettes. On fait tout le temps ça, mais en fait, c'est pas précisé si ça va être que des vedettes. L'article, en tout cas, laisse sous-entendre. Ça dit on pourra notamment apprécier des personnalités publiques issues de divers milieux, donc notamment, ça veut dire qu'il y aura pas juste ça. J'espère bien qu'ils vont amasser de l'argent pour des fondations. Je l'espère. J'espère aussi, pour vrai. Le but même de ça, c'est de tester les connaissances de monsieur et madame tout le monde dans la rue. C'est le but de l'émission. S'il arrive dans la rue et il demande des conseils aux gens sur la rue, puis que c'est des vedettes qui le demandent, c'est pas pareil. Mais bon, on n'a toujours pas de nouvelles de la guerre des clans. C'était mon interrogation. C'est en fait. Ça, c'est la question, parce que c'était un des plus grands succès de la chaîne. Je comprends toujours pas la décision de l'avoir enlevé. Personnellement, oui. Si j'avais à regarder la guerre des clans, ouais. je préfère la Family Feud, la version anglaise. Tout à fait, à cause de la moustache de Steve Harvey, oui. Entre autres. Et il faut dire qu'il est beaucoup plus drôle ben là, que Jean-François Barry. Il n'y a pas grand monde de plus fade à l'animation de la guerre des clans que Jean-François Barry. Je m'excuse, monsieur Barry, là. T'es un petit peu genre générique comme animateur. Eh oui. Un petit peu. On va se le dire. Toi, tu sais, je suis sûr que t'as une personnalité. T'as montré à l'émission du matin, à V. Mm-hmm. Mais la guerre des clans, c'est pas ton meilleur. Non. Bref, on reste au Québec un petit peu, mais en allant vers l'international, pour une version africaine d'un gars, une fille. Oh, ça africaine. Ça va s'appeler, devine comment, un gars, une fille en Afrique. Je me risquerai pas. Ça va s'appeler Chéri Coco. Oh. Chéri Coco, évidemment. Donc la comédie de situation qui devient Chéri Coco dans sa 28e adaptation tournée à Dakar, au Sénégal. Mettant en vedette son créateur Guillaume Lepage, bien sûr, et Sylvie Léonard, la mouture africaine. La phrase est drôlement construite, hein? Mais oui. C'est dans ses versions originales, ça le disait en France, c'est moi qui l'ai pas lu. Donc la mouture africaine qui va être en onde sur Canal+, en fait à partir de avant-hier. Pas pire quand même, elle va se décliner en 100 épisodes de 6 minutes. Depuis son apparition au tournant des années 2000, la sitcom a connu une prolifique carrière à l'international, tandis que la Chine et la Roumanie ont récemment obtenu le feu vert pour l'adapter. La production de la série est en chantier en Lettonie. Est désigné meilleur format de fiction de l'histoire de la télévision internationale par la maison de recherche indépendante The Wit dans le cadre du MIP TV 2014. L'émission a été diffusée dans de nombreux pays, dont la France, l'Espagne, les Pays-Bas, la Turquie, l'Italie, la Russie, la Slovénie et la Serbie. Tout bien être riche, hein, ce Guillaume. Ben d'accord avec toi. Oh, t'es drôle! T'es drôle! Un autre format québécois qui a été vendu à l'étranger, c'est Coup de foudre. Coup de foudre. Coup de foudre. Ah oui, on appelle la en anglais. Ouais, L'Australie, la France, le Danemark et l'Italie tenteront bientôt de créer des matchs parfaits. La compagnie Media Ranch, qui a rapidement racheté la compagnie d'un certain Eric Salvaille après la controverse qu'on connaît, est parvenue à vendre le concept de son émission Coup de foudre au groupe Banny J lors de son récent passage au MIPCOM de Cannes. Coup de foudre animé par le séduisant Mathieu Baron. Ah, le nom en anglais va être Thunderstruck. Ils ont vraiment manqué leur coup en appelant pas ça Coupe de Father. Le concept est un concept 100% québécois, même si c'est encore une fois extrêmement générique comme concept. Là. On va se le dire, mettre des gens, leur poser des questions, puis s'attendre à ce que les deux finissent par sortir ensemble à la fin, c'est pas très très recherché. On ignore pour le moment si l'émission sera renouvelée pour une nouvelle année au Québec, en fait. V est actuellement en réflexion sur la question. Chose certaine, des épisodes originaux seront diffusés jusqu'à la période des fêtes. Si vous avez remarqué, si vous regardez l'émission, premièrement, Colin... Trouvez-vous d'autres choses à faire? On est vraiment sur le jugement des gens aujourd'hui. Oui. Là, c'est vraiment une émission vide, tu sais. Ça joue à V. À côté de la guerre des clans. V pour vide, c'est ça. C'est ça, V pour vide. Media Ranch a précisé qu'elle ne pouvait malheureusement pas sauver les emplois des anciens salariés des émissions En mode Salvaille et Recette Pompette, puisque ces deux émissions ne font pas partie de l'acquisition de Salvaille & Co. Ça n'a rien à voir avec l'article, mais c'est dit dans l'article que je l'ai lu. Je suis même chez un robot. Ensuite... Canal+, international arrive au Québec. Les téléspectateurs québécois Parmi eux, plusieurs Français, évidemment, auront désormais accès à plusieurs des émissions phares produites par la chaîne payante française, ainsi qu'à d'autres issues d'antennes exploitées par le groupe non accessibles depuis le Québec. On parle de C8, entre autres. Des rendez-vous réguliers quotidiens, comme l'Info du Vrai, l'émission qui a remplacé le Grand Journal, Touche pas à mon poste, et des hebdomadaires, Salut les Terriens, entre autres. La programmation de Canal Plus International sera aussi construite autour d'émissions jeunesse, de films, de magazines de cinéma, de séries originales et de magazines sportifs. À cette programmation régulière s'ajouteront bien sûr des événements spéciaux diffusés par Canal Plus, notamment la cérémonie des Césars du cinéma français, les soirées d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes, de même que des matchs de rugby du Top 14 diffusés en direct. Pour l'instant, Canal Plus International ne compte pas produire de contenu local, contrairement à d'autres comme TV5. Mais le directeur n'en exclut pas la possibilité, advenant le cas où l'audience de la chaîne ne serait pas constituée uniquement d'expatriés. Cela dit, Canal Plus International compte aussi s'établir hors frontières. En principe, la chaîne devrait aussi être offerte ailleurs au Canada ainsi qu'aux États-Unis. Une campagne de promotion comprenant des slogans faisant référence à la réalité québécoise sera lancée pour l'occasion, avec des slogans comme « Du coup, il y aura moins de monde au Parc Laurier ». Canal Plus International sera distribué par Téma Canada, filiale du groupe Canal Plus International, déjà responsable de l'édition et de la distribution de Planète Plus et de la chaîne Seasons, la chaîne de chasse et pêche. La nouvelle chaîne sera offerte donc chez Vidéotron pour l'instant. VRAC TV. Si on pensait juger jusque-là le bloc Television, VRAC cherche des YouTubers ambassadeurs. Ils auront pour mission de documenter leur passionnante vie pendant un an sur le canal YouTube de la chaîne. Ça va être là, immanquable. Ah, je pense que je vais réussir à manquer ça. Moi aussi, je pense. J'ai marqué à mon agenda ne pas regarder ça tous les jours. Du 6 novembre au 3 décembre, les jeunes de 16 à 25 ans qui n'ont pas peur d'exprimer leurs opinions, là, t'sais, moi, je veux vraiment savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, le gars de 13 ans. Hein, C'est l'homme du public. J'ai la misère avec ça. Moi aussi. J'ai vraiment de la misère. Ça paraissait pas jusque-là. On avait vraiment l'air d'aimer ça. Le sarcasme, des fois, à radio. Bref, ils vont exprimer leurs opinions et des passions à partager. Ils vont participer au concours de VRAC. Un gars et une fille auront pour mission de documenter leur vie pendant un an sur le canal YouTube de la chaîne. Six finalistes seront choisis par un jury, sûrement composé de d'autres YouTubers, parce que c'est tout ce qu'on a comme vedette sur VRAC. Du 11 au 22 décembre, c'est les humoristes. Le public pourra voter pour leur préféré. Les deux gagnants obtiendront chacun une bourse de 5 000 $ et un poste de YouTuber en résidence sur la chaîne de VRAC. Tu sais, je veux dire, il y a des YouTubers qui sont là comme en tant qu'humoristes, vraiment pour faire des capsules humoristiques. Des sketchs, des trucs comme ça, c'est quand même le fun. Mais des gens qui, on dirait qu'ils détiennent la vérité absolue. Ouais. Qui se décident de l'exprimer librement comme ça sur YouTube, c'est parfois lourd. Et que les gens sont vraiment, en plus, super accrochés à leurs lèvres. Ils veulent vraiment savoir, puis ça va dans les commentaires. Puis, ah oui, t'es tellement bonne, tellement belle. Ils regardent juste parce qu'ils sont belles, souvent. En tout cas. Bref, les YouTubers. Justement, on reste sur la chaîne YouTube, mais pour quelque chose d'un petit peu plus, je dirais, haut de gamme pour nous. On va arrêter de faire les snobs quelques instants. En fait, on va devenir snob avec celle-là. C'est le contenu canadien de la chaîne Encore Plus. As-tu vu la chaîne Encore Plus? Pas du tout. Encore Plus en français. Encore Plus en anglais. C'est un projet où les partenaires présentateurs visent à tester de nouveaux modèles d'affaires pour le contenu de catalogue, donc les émissions d'archives canadiennes. Les organismes de chefs de file de l'industrie audiovisuelle canadienne ont lancé cette chaîne YouTube qui offre un accès gratuit à plus de 300 vidéos pour l'instant d'émissions et de films canadiens. Des comédies, des drames, des émissions pour enfants, des documentaires, des longs et courts-métrages. Et chaque semaine, c'est des dizaines de nouveaux titres qui s'ajoutent en français comme en anglais. La chaîne Encore Plus offrira une fenêtre sur le contenu et le talent d'ici et visera à en stimuler la demande, en particulier chez les jeunes qui consomment principalement les contenus sur des appareils mobiles. Ayant recours à une démarche non exclusive, Encore Plus complétera l'offre des intervenants canadiens qui sont déjà actifs dans le domaine de la distribution en ligne. Encore Plus a été mis en place par le Fonds des médias du Canada, avec le soutien de Google Canada, Bell Media, Broadband TV et Deluxe Toronto, en étroite collaboration avec les producteurs de films et de télévision, les distributeurs, les télédiffuseurs, les syndicats, les guides et autres associations de l'industrie audiovisuelle canadienne. Téléfilm Canada est également partenaire, et là, l'article dit tout sauf les émissions qu'il y a, mais je vais vous en nommer quelques-unes. Entre autres, il y a La Petite Vie. Il y a Catherine que j'ai regardé, ça faisait longtemps, j'avais pas vu Catherine, c'était pas mal le fun. Il y a des émissions comme Fais-moi peur, Émilie de la Nouvelle Lune, il y a Ready or Not, les premières fois. Hein? Il y a plein d'émissions, et en plus, elles sont en français comme en anglais, et quand c'est en français et qu'une version québécoise, comme Degrassi, les vieilles émissions, elles sont en québécois. Ben, tu vois, ça, c'est intéressant. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit qu'on augmentait un petit peu le calibre et qu'on fait un petit peu nos snobs, mais il y a des bonnes affaires là-dedans. Les Orphelins du Plessis, Oka, un été indien, Direction Sud, Da Vinci's Inquest, un paquet d'émissions de qualité canadienne. sur la chaîne Encore Plus sur YouTube. C'est à voir. Voilà. Ensuite, on parle du Canada encore avec les Canadiens qui se tournent vers Internet. De plus en plus, nouvelles technologies maintenant dans les maisons canadiennes. Internet. Sans pour autant déserter la radio et la télé, les Canadiens consomment leur contenu autrement, constate le CRTC, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Dans un rapport, donc, le CRTC signale que les Canadiens se rabattent de plus en plus vers les plateformes numériques. En 2016, les adultes canadiens ont écouté en moyenne 3,1 heures de télévision en ligne chaque semaine contre 2,7 l'année précédente. Cette hausse semble s'être réalisée aux dépens des écrans traditionnels, par lesquels les Canadiens ont consommé 26,6 heures de contenu télévisuel chaque semaine, soit 36 minutes de moins qu'en 2015. Le CRTC signale une tendance semblable dans ce qui a trait au contenu audio, alors que les Canadiens ont passé en moyenne 14,5 heures par semaine à s'intoniser des chaînes de radio traditionnelles, soit plus d'une heure de moins qu'en 2015. Mais ça, il y a quand même pas mal de succès pour la radio, juste un petit peu moins. Son rapport indique aussi que 22% des Canadiens ont écouté la radio en ligne en 2016 et plus de la moitié d'entre eux ont regardé des vidéos de musique en continu sur Internet, sur des plateformes autres que sur des plateformes comme YouTube, oui. Dans l'ensemble, 44% des Canadiens sont abonnés à des services de vidéos en ligne comme Netflix ou le Club Illico. Cette proportion grimpe à 64% chez les Canadiens âgés de 18 à 34 ans. Près du quart d'entre eux écoutent d'ailleurs la télévision exclusivement sur Internet. Il y a d'autres renseignements, entre autres, sur les anglophones, francophones et la démographie du Canada sur assemblagerequis.com. L'article est à peu près le double de ce que je viens de lire. Ensuite, allons aux États-Unis. Et c'est drôle, on va parler de film, mais pourquoi? C'est parce que c'est basé sur une série télé, c'est pour ça. Donc, Deadwood, le film, pourrait être entré en production en 2018. La production du très attendu long-métrage Deadwood continue d'avancer à un rythme très lent, mais c'est quand même mieux que rien du tout. Après avoir attendu des années pour un retour de Deadwood, qui est la série, c'est un drame western sur HBO, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, voici le retour de Ian McShane dans le rôle de Al Swearingen. On n'a pas encore reçu le feu vert formel, mais le long-métrage pourrait avoir fait un petit pas vers l'avant, car il semble avoir une date de début à l'automne 2018, nous rapporte TV Line. Le très attendu film est en pourparler depuis août 2015. Le créateur David Milch a déclaré plutôt cette année à la TCA qu'il avait écrit un scénario qui plairait tant aux fans qu'aux non-fans. Hein. C'est un peu l'idée, là, vu que c'est une émission qui n'a pas eu nécessairement beaucoup de succès. Faut que le public soit assez large. Faut que tu puisses avoir un nouveau public. Faut pas que tu comptes sur un public assez... À petit. Tu feras pas beaucoup d'argent. Je vais miser sur ce petit public. C'est un peu comme Firefly, des trucs comme ça, des films basés sur des séries assez nichées, comme on dit. Bref, Casey Bloys, le directeur de la programmation de HBO, a déclaré que le script est formidable et a parlé au réalisateur. Selon Deadline, les anciens membres de la distribution ont été contactés pour connaître leur disponibilité. Bloys a ajouté qu'ils sont décidés à faire le film s'ils peuvent surmonter les obstacles. Selon une source qui aurait lu une partie du script, la prochaine histoire de Deadwood se concentrerait sur la ville qui brûle. Chose qui s'est vraiment produite le 26 septembre 1879 en brûlant plus de 300 bâtiments. Et Ellis Albert Swearingen, alias Al Swearingen, un proxénète et un tenancier célèbre pour sa cruauté et ses alliances politiques, s'enfuyant dans une péniche. La plupart des mots dans ce paragraphe-là, je les comprends pas. Mais bon, c'est un western, là, je connais rien dedans. Ensuite, parlant de suite, ou dans ce cas-ci de remake, The Twilight Zone va avoir encore un autre revival, mais cette fois-ci sur CBS. On connaît The Twilight Zone en français, des fois c'est la quatrième dimension, ou juste Twilight Zone, ça dépend des endroits. Bref, presque 60 ans après sa première et plus d'une décennie après son dernier reboot, CBS a annoncé ses plans de ramener une nouvelle version de la série de science-fiction anthologique de Rod Serling, The Twilight Zone, au service All Access. C'est le service de diffusion en ligne de CBS. L'annonce est arrivée donc pendant un appel de conférence avec les investisseurs et All Access sera la maison pour une nouvelle version d'une des émissions les plus connues de tous les temps, The Twilight Zone. Alors, on n'a pas à faire beaucoup de détails pour l'instant. On ne sait pas encore qui va avoir, qui va être dans le casting ou des trucs comme ça. En fait, c'est une série d'anthologie, donc les acteurs changent tout le temps. All Access qui est aussi Star Trek Discovery en ce moment. La série de CBS à l'origine de Twilight Zone était diffusée pendant 5 saisons entre 1959 et 1964. Il y a eu un reboot en 1985 sur CBS, encore 3 saisons. Et en 2002, c'est Forrest Whitaker qui a commencé à l'animer pour une seule saison sur le réseau maintenant défunt UPN. Donc c'est bien sûr une inspiration de Twilight Zone pour pas mal de séries de science-fiction qui ont suivi. Ça a lancé les carrières de William Shatner, George Takei et un paquet d'autres, Robert Redford entre autres. Ensuite, toujours dans les retours, on parle du Seigneur des Anneaux, un projet de série télé sur les rails pour une somme colossale. C'est Amazon Studios qui serait actuellement sur les rangs pour acquérir les droits de la saga du Seigneur des Anneaux en vue d'en faire une série télé, mais la somme demandée par les héritiers de J.R.R. Tolkien serait absolument colossale. Selon le site Deadline, il faudrait que le studio désireux d'adapter Le Seigneur des Anneaux en série télé débourse entre 200 et 250 millions de dollars rien que pour avoir les droits. Ça, c'est même pas produit, là. C'est juste... on a le nom, on a le concept. On a la permission. C'est ça, de faire, après, de dépenser de l'argent de plus. Bref, à tout ça, ça ajoutera les coûts de production qui vont aussi être très élevés parce qu'on essaierait de faire un genre de Game of Thrones avec ça. Alors que Netflix et HBO auraient d'ores et déjà lâché l'affaire pour d'évidentes raisons financières, Amazon Studios serait actuellement un candidat sérieux. C'est Jeff Bezos lui-même, le patron de l'entreprise, qui serait très investi personnellement dans les négociations, selon Variety. Jeff Bezos est bien connu aussi pour être un amateur de tout ce qui est heroic fantasy. Warner Brothers, qui s'est occupé des trilogies cinématographiques du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, pourrait faire partie de la production de la série. Le studio est impliqué dans les négociations actuelles, selon plusieurs sources, et pour le moment, personne ne veut commenter les rumeurs, mais si le projet venait à se concrétiser, il s'agit sans doute de la série télé la plus chère de l'histoire, nous dit Plugin. Ensuite, je vais sauter quelques adaptations, entre autres The Night Manager qui va être... c'est The Little Drummer Girl, oui, de John le Carré, qui va être adapté. Vous pouvez aller retrouver l'article sur assemblagerequis.com. Il y a aussi le roman 6 jours de Ryan Gatiss qui va être adapté par Alan Ball. Pour parler de Star Wars, une série télé en live action qui a été confirmée. Pour ceux qui ne savent pas encore, Bob Iger, le grand patron de Disney, a récemment confirmé qu'une série télé en live action de Star Wars était en développement. Pour l'instant, aucun détail, sauf une date de sortie 2019. La même année que l'épisode 9. La série sera proposée sur la plateforme de streaming de Disney, dont le projet a été annoncé il y a quelques mois. Ça va accueillir en exclusivité tous les films et séries Marvel et Star Wars, ce qui fait perdre évidemment à Netflix ce contenu. Les séries Star Wars, c'est pas nouveau, il y a déjà eu Star Wars Rebels, Star Wars The Clone Wars, mais ça c'est des séries d'animation. L'on parle de séries avec des zooms. Ensuite, Netflix ramène la série Top Boy, plateforme américaine qui vient de commander une troisième saison pour la série télé Top Boy qui devrait être proposée en 2019. Ça a été annulé en 2013 par la chaîne britannique Channel 4 après seulement 2 saisons suite à de mauvaises audiences. Donc on aime ça, on ramène des affaires qui marchent pas, c'est cool. Apple a acheté les droits d'une série avec Jennifer Aniston maintenant. Donc les droits d'une nouvelle série coproduite par Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. La nouvelle manifestation des ambitions du géant californien dans la production de contenu. La porte-parole a confirmé l'information du site The Hollywood Reporter, selon laquelle le groupe avait donné son feu vert à la production de 2 saisons d'un coup sec, donc on parle de 20 épisodes, une rareté dans le monde des séries télévisées. Selon des médias américains, plusieurs diffuseurs s'étaient positionnés pour obtenir les droits du projet qui se penche sur la vie de présentatrice de l'émission matinale à la télé américaine. Donc les deux femmes qui vont jouer dans la série sont copropriétaires et coproductrices avec la société de production MediaRes qui va piloter le projet. Et c'est le second projet d'ampleur lancé par Apple dans la production télévisée en quelques semaines. On parle de l'autre, on avait parlé de ça il y a 2 semaines, je crois, c'était Steven Spielberg et son émission Histoire Fantastique qui va être de retour aussi, donc c'est la deuxième émission du genre. Et j'en ai parlé en intro, faut faire cette nouvelle-là, hein, pas le choix, être le premier à terminer une série, c'est une nouvelle tendance sur Netflix. Après le phénomène de l'écoute en rafale, binge-watching, une nouvelle manière de consommer les contenus viendrait d'émerger. Donc de plus en plus, on parle ici donc de binge-racing, non pas de binge-watching. C'est de plus en plus d'utilisateurs qui ont développé le syndrome du premier à l'avoir regardé en s'efforçant à terminer l'écoute d'une série dans les 24 premières heures de sa mise en ligne. Et que c'est, je suis loin, loin, loin de ça. Netflix a annoncé que 8,4 millions de ses membres s'adonnent à cette pratique. Ils ont été 20 fois plus nombreux à le faire de 2013 à 2016. Il existe, disent-ils, une satisfaction unique qui vient avec le fait d'être le premier à terminer une histoire, que ce soit un livre ou une télésérie, explique le vice-président aux séries originales. Alors que le phénomène s'étend un peu partout, le Canada se classe premier avec le plus haut pourcentage d'utilisateurs qui terminent une série en une seule journée. Ses adeptes de l'écoute rapide ont une série de prédilection, c'est Trailer Park Boys, la série canadienne. D'ailleurs, pour visionner le plus vite possible un film ou une série télé, certains utilisateurs recourent au visionnement en accéléré. Je faisais ça dans le temps que j'écoutais des talk-shows quotidiens. De la télé, j'écoutais Stephen Colbert en accéléré à 1.2 ou 1.5 X. Voyons. Ça se regarde plus vite et tu comprends quand même les blagues et t'as le temps de rire quand même parce que des fois ils laissent les gens rire bien bien longtemps. Bref, plusieurs plateformes telles que YouTube et Google Chrome permettent de paramétrer la vitesse selon laquelle le contenu est joué. Je sais pas s'il y a des gens qui l'écoutent au ralenti pour vraiment savourer ça. Oh, je pense. C'est des gens qui sont lents. Attends un peu ton gag, dis-le plus lentement. Remplis du temps. Bref, c'est ça. Un épisode de 52 minutes peut être regardé en seulement 39 minutes quand on écoute à 1.2 et ça paraît quasiment pas 1.2x. C'est 0.2x plus rapide. C'est pas grand-chose. C'est en effet 0.2x. Cette nouvelle tendance est possiblement attribuable au fait que l'offre en contenu dépasse vraiment la capacité de consommation des téléspectateurs. C'est assez évident, ça. De 2009 à 2016, le nombre de séries produites aux États-Unis a augmenté de 137%. Dévoile le centre de recherche américain FX Research, les speed watchers, comme on les appelle, pourraient, si la tendance se maintient, influencer la manière dont le contenu est créé, ainsi que le transformer à jamais. Donc l'intrigue, le rythme, la structure narrative, la complexité des personnages seraient peut-être réduits à leur plus simple expression. C'est plate, ça. C'est triste. Commun dénominateur, je sais pas comment t'appelles ça, le public, genre, comment dire, on va rendre ça plate. Oui. Ou trop intéressant et trop intense. Je sais pas, mais tu sais, tu parlais qu'il y avait une augmentation du nombre de séries créées aux États-Unis, mais juste le nombre de Netflix Originals, c'est rendu capoté. Il y en a de plus en plus. Bon, une nouvelle série à chaque jour, quasiment. Là. Et ça s'empile. Tu sais, la pile s'empile, Netflix. En même temps, je comprends pour des séries du genre Stranger Things, où la première série, la première saison a vraiment très bien fonctionné. La deuxième sort toute d'un coup. Ouais. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir la regarder toute d'un coup. Mais il y a aussi des séries comme Riverdale où c'est un épisode par semaine. C'est ça. Il y a d'autres épisodes, séries où ils prennent la moitié de la saison et en sortent à l'automne, l'autre moitié à l'hiver, mais c'est considéré comme la même saison. Mm-hmm. Je sais pas. Il y a plein de façons de faire, mais je sais pas laquelle est ma préférée. Je pense que tout sortir en même temps est ma préférée. J'en écoute quand que je peux. C'est ça. On fera pas du binge racing, non, ça non. C'est certain. Là. Bref, c'est pas mal ça pour Television Television. Intéressant, comme toujours. Les nouvelles de cette semaine sont pas mal le fun. On continue tantôt avec ta chronique qui s'en vient. De quoi tu nous parles déjà aujourd'hui? Je vous parle de EA qui s'est mis les pieds dans les plats encore controversé concernant Battlefront. Eux autres, là. Eux autres. Mais avant ça, on écoute une petite pièce deuxième de l'album Sonic Mania Remixed qu'on a bien aimé. C'est une pièce de Sonic 2. Oui, c'est un remix de Sonic 2. Pas mal toi qui m'a dit que Sonic 2, la musique était vraiment bonne, ben oui. C'est ça. Donc on écoute Chemical Plant Zone par Robo Rob au Mathieu Plante Show. Toujours au

vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Et voilà, la chanson thème de fermeture de Super Mario Odyssey. C'est un petit peu rempli de spoilers pour ceux qui écoutent vraiment les paroles très, très, très près. Faites attention, ne les suranalysez pas. Ça dit pas mal de faire cette chanson-là. Et donc, c'était Pauline dans le jeu Super Mario Odyssey. Avant la pause, c'était la chanson thème Jump Up Superstar en direct de quelque part que je vous mentionne pas parce que je vais pas vous briser tous les punchs du jeu. Pour vrai, j'essaie de dire le moins de choses possible, mais je pense avoir quand même réussi aujourd'hui. Maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, c'est la chronique qui remercie la science d'exister. Commençons par le cerveau, une molécule qui supprime les pensées indésirables. Avez-vous déjà eu envie d'arrêter de ruminer vos idées noires sans y parvenir? On vit tous ça une fois de temps en temps. Les scientifiques britanniques ont peut-être une solution. Ils ont trouvé que les personnes ayant le plus de GABA dans une région du cerveau arrivent mieux à bloquer les pensées indésirables. Ça a été un pays en Afrique, mais c'est pas juste ça. Pour se sentir bien dans sa tête, il est essentiel de pouvoir se libérer de pensées négatives. Les souvenirs intrusifs ou les images chocs qu'on peut pas bloquer dans son esprit. Les hallucinations, les soucis récurrents sont fréquents dans divers troubles psychiatriques. On parle du stress post-traumatique, la schizophrénie, la dépression et l'anxiété. Les scientifiques pensent que l'incapacité à bloquer ses pensées indésirables reflète un manque de contrôle du cortex préfrontal. Mais cette incapacité pourrait aussi être liée à une hyperactivité de l'hippocampe, une région du cerveau importante pour la mémoire. En effet, le stress post-traumatique et la dépression s'accompagnent souvent d'une hyperactivité de l'hippocampe. Mais quel dysfonctionnement pourrait expliquer que certaines personnes n'arrivent pas à bloquer les idées noires? Pour en savoir un petit peu plus, des chercheurs ont mené des expériences sur de jeunes adultes en bonne santé. Les participants ont passé plusieurs tests au cours desquels ils devaient essayer de stopper des pensées indésirables. Par exemple, dans une expérience, ils apprenaient à associer des mots par paire, mais parfois par un signal coloré. Il leur était demandé de ne pas se souvenir de certains mots. Ils devaient se rappeler les associations de mots sur fond vert, mais pas ceux sur fond rouge. Les chercheurs ont suivi l'activité cérébrale des participants par une IRM fonctionnelle et une spectroscopie par résonance magnétique. Ils sont alors aperçus que les personnes qui avaient le plus de GABA dans l'hippocampe réussissaient le mieux à bloquer les pensées indésirables. Le GABA, c'est l'acide gamma-aminobutyrique, un acide aminé neurotransmetteur fréquent dans le cerveau. Le GABA qui a été mis en évidence en 1950 par E. Roberts et S. Frankel. Ces résultats suggèrent que les neurones de l'hippocampe qui libèrent du GABA contrôlent les pensées intrusives et que l'hyperactivité de l'hippocampe peut provenir d'un dysfonctionnement de ces neurones. Les neurones qui libèrent du GABA dans l'hippocampe sont des interneurones GABA énergiques en contact avec des centaines de neurones. Ils sont connus pour jouer un rôle dans l'apprentissage et l'intégration d'informations. Cette découverte pourrait aider à mieux comprendre certaines pathologies comme la schizophrénie ou le stress post-traumatique, où les patients ne peuvent s'empêcher de ruminer leurs pensées. Elle pourrait aussi permettre de trouver de nouvelles approches pour traiter ces troubles. Il faudrait pour cela améliorer l'activité du GABA dans l'hippocampe des patients. Une étude donc qui paraît dans Nature Communications. Justement, des fois, les idées noires empêchent de dormir et à chaque insomniaque, son traitement. De nouvelles études sur les ondes cérébrales pourraient améliorer la prise en charge des troubles du sommeil. De nouvelles recherches consacrées à un type bien précis d'ondes cérébrales pourraient permettre de personnaliser le traitement de l'insomnie, un trouble du sommeil qui affectera un jour ou l'autre près d'une personne sur trois. Le professeur de l'Université de Concordia, Tan Dang-Vu, et ses collègues ont récemment mené une série d'études s'intéressant aux ondes cérébrales nommées fuseaux, qui sont associées à la stabilité et à la profondeur du sommeil, mais aussi à l'apparition de troubles du sommeil. Ils ont étudié la manière avec laquelle ces oscillations de sommeil peuvent permettre de prédire l'apparition de problèmes d'insomnie afin d'évaluer comment les patients peuvent répondre à un traitement de l'insomnie. Les chercheurs ont d'abord mené une étude auprès de 20 étudiants pour analyser leur sommeil au début et à la fin de la session universitaire. Ils se sont rendus compte que les étudiants qui avaient plus de fuseaux au début de la session avaient tendance à développer moins d'insomnie en fin de session lorsqu'ils sont soumis à un stress important qui est celui des examens. Dans une seconde étude, le professeur de Concordia et ses collègues se sont plutôt intéressés aux personnes insomniaques. Ils ont constaté que celles qui produisent davantage de fuseaux de sommeil répondent mieux au traitement de première ligne de l'insomnie qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Ce qu'ils sont en train d'identifier potentiellement, c'est que les fuseaux pourraient être un marqueur de vulnérabilité d'insomnie. Cette découverte, qui doit être confirmée par d'autres études à venir, pourrait marquer un tournant dans le traitement de l'insomnie. Présentement, la thérapie cognitivo-comportementale, un traitement psychologique, est difficile d'accès dans le réseau public, coûteuse dans le réseau privé et efficace dans seulement 50% des cas. Pour ce qui est des médicaments, ils peuvent entraîner certains effets secondaires indésirables lorsqu'ils sont utilisés sur une longue période. Il y a beaucoup plus de détails et plus de questions par rapport à tout ça sur assemblagerequis.com. Mais on dit qu'on va poursuivre les recherches, oui, à l'aide de techniques d'imagerie cérébrale pour mieux comprendre les phénomènes liés au sommeil. Les chercheurs sont toujours à la recherche de dormeurs, insomniaques ou non, prêts à s'assoupir pour la science. Maintenant, une intelligence artificielle, habituellement on garderait ça pour le bloc CNX, mais on en parle ici parce que c'est pour détecter un cancer de l'intestin en moins d'une seule seconde. Passer des examens médicaux n'est parfois pas une mince affaire, ça peut être long et douloureux, l'épreuve est souvent effrayante pour le patient, mais aujourd'hui l'intelligence artificielle pourrait simplifier grandement tout ça. Les chercheurs ont conçu un logiciel capable de détecter le cancer de l'intestin en moins d'une seconde. Durant leur test, l'intelligence artificielle a pu détecter des adénomes colorectaux, des tumeurs bénignes qui peuvent évoluer en cancer à partir d'images endoscopiques agrandies. L'algorithme a été entraîné via machine learning en associant ces images avec 30 000 autres, le rendant finalement capable d'identifier rapidement ce qui pourrait être un futur cancer du reste. Durant la présentation de leurs résultats, le chercheur en chef, Dr. Yuichi Mori de l'Université Showa de Yokohama, s'est déclaré convaincu que ça pourrait empêcher de nombreux patients de se faire opérer inutilement. Je cite, ça permettrait l'ablation complète des polypes adénomateux cancéreux et empêcherait une polypectomie, la suppression non nécessaire des polypes non néoplasiques. Pour l'instant, le système n'a pas encore été approuvé par les autorités du pays, mais le Dr. Mori espère que ses résultats permettront une application clinique. Se marier tard, c'est meilleur pour la ligne. Et en les grands reportages, les personnes qui se marient avant d'obtenir un diplôme universitaire auraient plus de risques de devenir obèses que celles qui attendent d'achever leurs études pour convoler. Raison invoquée, une fois la bague passée au doigt, les jeunes mariés se mettent à manger plus et à faire moins de sport. C'est le résultat d'une étude menée aux États-Unis. Si vous envisagez une vie commune avec votre adoré, ne soyez pas trop pressé de passer devant monsieur le maire. Votre ligne pourrait s'en ressentir, nous dit Futura Science. En effet, alors qu'il est généralement admis qu'un diplôme universitaire est bénéfique pour la santé, une étude parue dans Journal of Health and Social Behavior suggère que ces bénéfices seraient réduits chez les étudiants qui se marient avant la fin de leurs études. Dans cette recherche, 14 000 adolescents recrutés aux États-Unis à l'âge de 11 et 19 ans ont été suivis en moyenne jusqu'à l'âge de 28 ans. Ces personnes faisaient partie de l'étude National Longitudinal Study of Adolescent Health qui a commencé à suivre un échantillon représentatif de jeunes en 1995. Les participants ont été interrogés en 1995, 1996, 2001, 2002 et 2007-2008, quand ils avaient 28 ans en moyenne. Les chercheurs ont comparé l'indice de masse corporelle des participants avant et après leur diplôme et relevé la date de leur mariage. Ceux qui avaient un IMC supérieur à 30 étaient considérés comme obèses. Les résultats montrent qu'un mariage célébré avant la fin des études est associé à une probabilité de 50% de plus de devenir obèse par rapport à un mariage qui a lieu après la fin des années universitaires. Différentes hypothèses permettent d'expliquer cette association entre un mariage précoce et un risque accru d'obésité. Tout d'abord, il semble qu'une fois mariés, les amoureux font moins d'exercice et mangent plus. Ensuite, les personnes diplômées seraient plus armées pour faire face aux changements de vie associés avec le mariage, car elles auraient développé plus de compétences pour les aider à résoudre des problèmes de vie quotidienne. Ceci leur permettrait de surmonter les obstacles qui les empêcheraient de faire du sport ou de manger sainement quand ils doivent s'ajuster à la vie maritale. À l'inverse, ceux qui se marient avant de terminer leurs études auraient plus de difficultés à réajuster leurs mauvaises habitudes. D'un autre côté, leur recherche suggère que les gens qui obtiennent leur diplôme après s'être mariés auraient mis en place des habitudes d'exercice et d'alimentation qui sont plus difficiles à changer plus tard. Enfin, les jeunes mariés diplômés ont généralement un revenu supérieur à ceux qui n'ont pas de diplôme. Conséquence donc pour le chercheur, ça signifie qu'ils peuvent investir dans leur santé en achetant des choses telles qu'un abonnement au gym ou des aliments plus sains et plus chers. Et pour terminer, le caoutchouc du futur, quand les moules inspirent les chercheurs. Pour rester accrochés à leur rocher contre vents et marées, les moules ont développé une stratégie diablement efficace. Une technique que des chercheurs semblent aujourd'hui être parvenus à copier. Leur objectif, produire ainsi les caoutchoucs du futur. C'est grâce à des filaments à la fois résistants et élastiques que les moules de mer restent attachés solidement aux rochers ou à leurs voisines. Leur secret est des réseaux de polymères naturels construits à partir de liaisons covalentes et ioniques. Et c'est maintenant des chercheurs de l'Université de Californie à Santa Barbara qui semblent être parvenus à reproduire leur stratégie pour fabriquer une nouvelle génération de caoutchouc. L'idée avait été exploitée par le passé grâce à l'ajout à une solution de polymère de gel présentant déjà des liaisons covalentes, oui, de groupes chimiques nommés catéchol et chargés négativement. L'introduction d'ions fer chargés positivement dans la solution permettait alors de rapprocher les catécholes de brins de polymère séparés pour créer des liens nouveaux et durcir le gel. Mais tout cela se faisait en milieu humide. L'équipe de l'Université de Californie a travaillé à partir de polyéthylène glycol enrichi de catéchol, pour éviter des réactions non désirées avant le renforcement. Ils les ont comme recouverts d'une coiffe, oui. Cette coiffe a ensuite été éliminée par de l'acide juste avant la phase d'apport de fer. Le polymère obtenu s'est montré 800 fois plus rigide et 1000 fois plus résistant que le polyéthylène glycol, notamment parce que les liaisons ioniques, si elles peuvent se briser, peuvent aussi se reformer d'elles-mêmes. Reste à savoir si la méthode peut fonctionner pour renforcer d'autres polymères et fabriquer les caoutchoucs du futur. Voilà pour Merci Science. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Étant donné qu'on a commencé une thématique Super Mario Odyssey, étant donné que c'est la première fois que je vous parle depuis que j'ai joué à la tonne à Mario Odyssey, on continue dans le même domaine avec, encore une fois, Jump Up Superstar, mais version 8-bit. Ça se passe dans le même secteur que la chanson de tantôt, mais je dirai rien de plus. Voici donc la version 8-bit. Thank you. Sullivan par Amateur SDJ. Maintenant, c'est le segment Geek Cynix. Ah oui, c'est Cynix où on parle de choses qui sont cool, nouvelles et extrêmement intéressantes. On commence avec un petit peu la suite de ce qu'il y a dans Merci Science tantôt. C'était entre les deux. Celle-là, j'ai choisi de la mettre dans Cynix. La réalité virtuelle pour soulager les douleurs fantômes. Oui, la réalité virtuelle semblait à l'origine toute désignée pour regarder des films ou jouer à des jeux vidéo, mais des scientifiques lui découvrent régulièrement de nouvelles applications et là, ça pourrait être utilisé pour traiter les douleurs fantômes. Une douleur qui semble provenir d'un membre qui n'est plus là. Les docteurs pensaient d'abord que ce phénomène post-amputatoire était un problème psychologique, mais des experts reconnaissent aujourd'hui que ces sensations réelles trouvent leur origine de la moelle épinière et du cerveau. Des chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Lausanne ont donné à leurs patients un casque de réalité virtuelle montrant une diffusion en direct d'une caméra filmant une paire de fausses jambes. La caméra avait été positionnée pour reproduire le point de vue d'une personne regardant ses propres jambes. Les chercheurs ont alors tapé simultanément les jambes et la zone juste au-dessus des lésions de la moelle épinière du sujet. Jusqu'à ce que le patient ait la sensation que ce sont ses propres jambes qu'on tapait. Les patients ont alors tous affirmé que ces sensations ont aidé à réduire les douleurs neuropathiques qu'ils ressentaient. L'équipe de scientifiques cherche donc désormais à développer une thérapie qui aiderait à traiter des patients ayant des lésions de la moelle épinière et ceux ayant des douleurs chroniques. Je trouve ça fascinant. Ensuite... Il y a un article qui ne s'ouvre pas parce qu'Internet ne fonctionne pas en ce moment en studio. En fait, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'articles qui vont avoir déjà eu le temps de se charger. Ah tiens, celui-là. Des humains meilleurs que les intelligences artificielles pour l'instant à StarCraft. À l'occasion du premier tournoi opposant des humains à des intelligences artificielles dans des parties de StarCraft, un joueur professionnel a battu 4 intelligences artificielles, dont celle développée par Facebook. Contrairement aux échecs ou aux jeux de Go, les humains ont encore le dessus sur l'intelligence artificielle avec le jeu vidéo StarCraft, une compétition des joueurs professionnels de ce jeu de stratégie en temps réel à plusieurs intelligences artificielles s'est tenue à Séoul en Corée du Sud et a vu la domination sans équivoque d'un humain. Song Byung-gu, l'un des meilleurs joueurs actuels de StarCraft, qui a remporté toutes ses parties contre 4 agents informatiques, ce qu'on appelle des bots en anglais. Il s'agissait d'intelligence artificielle développée par des spécialistes en Australie, en Corée et en Norvège, ainsi que Cherry Pie, entraîné par Facebook. C'est la première fois que ce concours, qui existe depuis 2010, met aux prises des humains contre des machines. Les parties furent courtes, donc on parle de 10,5 minutes maximum. Et les intelligences artificielles n'ont, semble-t-il, pas fait preuve d'une grande audace dans leur stratégie, comme l'explique le MIT Technology Review. Mais tout de même, les machines ont montré des dispositions intéressantes dans leur système de défense. StarCraft, qui est considéré comme le nouveau défi majeur pour la recherche en intelligence artificielle, contrairement aux jeux de Go où les protagonistes ont une vision complète du plateau, les jeux de stratégie imposent une information partielle sur ce que fait l'adversaire. La part d'incertitude est donc beaucoup plus importante. Pour les chercheurs, une intelligence artificielle capable de battre un humain à StarCraft sera en mesure d'accomplir des tâches complexes dans le monde réel. Après avoir démontré sa supériorité au jeu de Go, DeepMind, filiale d'Alphabet, la compagnie de Google, a décidé de relever ce défi. L'une des clés de la victoire d'AlphaGo est que le programme a pu s'améliorer en ingurgitant des milliers de parties de Go. Or, une telle masse de données n'est pas encore disponible pour StarCraft, mais ça va changer. Cet été, DeepMind et Blizzard Entertainment, qui est l'éditeur de ce jeu de stratégie, ont annoncé la mise en disposition d'une interface de programmation d'apprentissage automatique, donc le machine learning, ainsi qu'une base de données de 65 000 parties anonymes de StarCraft 2 pour entraîner les intelligences artificielles. Les progrès ne devraient pas tarder à se faire sentir. Dès lors, ce ne sera plus qu'une question de temps avant que le règne des humains sur StarCraft ne soit sérieusement contesté. Ensuite, on améliore la connexion Wi-Fi grâce à une simple feuille d'aluminium. Des chercheurs viennent de démontrer qu'il est possible d'améliorer la portée d'une connexion Wi-Fi en se servant d'un réflecteur fabriqué par impression 3D et recouvert d'une simple feuille d'aluminium afin d'orienter le signal émis par le routeur. Une solution économique qui peut en prime aider à sécuriser la connexion sans fil. Donc, bricoler une antenne radio endommagée ou pas assez puissante avec une feuille de papier aluminium, c'est une astuce connue depuis longtemps. Il s'avère que cette technique rudimentaire peut aussi aider à améliorer la puissance d'un signal Wi-Fi et même de renforcer sa protection. Une équipe de chercheurs de l'université Dartmouth College aux États-Unis a en effet découvert que des réflecteurs de différentes formes, recouverts de feuilles d'aluminium et placés à l'arrière de routeurs Wi-Fi, contribuaient à améliorer la puissance du signal dans un espace donné en orientant ce dernier de façon ciblée. Actuellement, la principale solution technique pour optimiser une connexion Wi-Fi dans un environnement fait de plusieurs pièces implique l'usage d'antennes directionnelles qui permettent de concentrer le signal, mais ça coûte cher et ça nécessite une configuration assez complexe. La solution évoquée ici, baptisée Y-Print, est beaucoup plus simple et moins onéreuse. Les chercheurs ont développé un logiciel qui simule la propagation du signal radio dans un espace et ses interactions avec les objets qu'il rencontre, ainsi qu'un algorithme pour créer des modèles de réflecteurs avec des formes qui assurent une couverture optimisée. Une fois que le système dispose des informations nécessaires, comme la surface, l'encombrement, l'emplacement du point d'accès Wi-Fi, la liaison à couvrir et à exclure, il lui faudra une vingtaine de minutes pour produire un modèle de réflecteur qui pourra ensuite être fabriqué avec une imprimante 3D avant d'être recouvert d'aluminium. Selon les essais réalisés par l'équipe de l'Université de Dartmouth, les réflecteurs peuvent augmenter la force d'un signal Wi-Fi de 6 décibels et la réduire de 10 décibels dans les zones qui doivent être exclues. Le coût de fabrication est estimé à 35 $ américains environ. Les chercheurs comptent aller plus loin en explorant l'usage de matériaux alternatifs au plastique qui permettraient de fabriquer des réflecteurs susceptibles d'adapter leur forme automatiquement lorsque la configuration de l'environnement change. Ils étudieront également l'efficacité du dispositif avec les ondes millimétriques et la lumière visible. Ensuite, on a un gars qui a hacké son université pour modifier ses notes. Un ancien étudiant de l'Université de l'Iowa était jugé le 2 novembre dernier pour avoir piraté le système informatique de sa faculté et changé à plus de 90 reprises ses notes ainsi que celles de 5 autres étudiants. L'étudiant s'est servi d'un keylogger, qui était le chien espion, qui lui a permis d'enregistrer les frappes de clavier des enseignants afin de récupérer leurs mots de passe. Trevor Gates était l'une des vedettes de la section de lutte gréco-romaine de son université, mais c'est par le scandale que son nom figure aujourd'hui dans toute la presse américaine. L'ancien étudiant de 22 ans était jugé donc au début du mois de novembre pour avoir piraté le système informatique de sa faculté, un crime fédéral pour lequel l'ex-lutteur risque 20 ans de prison. Trevor Graves s'est en effet fait prendre après avoir installé discrètement plusieurs ordinateurs, dans des salles de cours et des laboratoires, un keylogger nommé Pineapple, un petit logiciel espion donc, qui lui a permis de récupérer tout ce que les enseignants tapaient sur les machines en question, notamment les mots de passe de leur compte personnel. À l'aide de ces informations, Trevor Graves se connectait au compte personnel des professeurs et récupérait des informations précieuses comme le contenu des examens, des devoirs à la maison et des tests à venir, mais surtout les notes attribuées aux étudiants qu'il a modifiées pour lui-même et 5 de ses amis à 90 reprises dans plusieurs matières sur une période de 21 mois. Mais en décembre 2016, la combine a été repérée par un enseignant qui a découvert que ses notes avaient été changées. Celui-ci a alerté le service informatique de l'université qui a découvert alors que le keylogger avait été implanté un peu partout dans son réseau. L'enquête a permis au FBI de saisir au domicile de Trevor Graves plusieurs copies du logiciel achetées moins de 50 $ US ainsi que des conversations compromettantes dans son téléphone avec des étudiants qui parlaient entre eux de sa combine comme de la main de Dieu. Cette affaire n'est pas la première du genre aux États-Unis. L'an dernier, l'Université du Kansas avait renvoyé un étudiant pour le même motif et il y a tellement d'épisodes de séries pour ados qui ont été faits avec ce même concept. Et pour terminer pour l'instant, parce qu'Internet est toujours pas revenu, donc je peux seulement faire le contenu que j'avais déjà téléchargé. Lorsque Flash était encore relativement jeune, la technologie était incroyablement populaire parmi les développeurs web pour créer des sites, évidemment, mais aussi des jeux. Même Nintendo s'y était mis, oui, au Flash, notamment pour faire la promotion de ses jeux à venir. Il y a un fan qui a ressuscité ses mini-jeux. Donc à l'époque, si vous avez déjà joué, la nostalgie va être évidemment présente. Sinon, vous allez pouvoir découvrir une autre facette de Nintendo en découvrant le projet du fan Skylox, qui s'attelle depuis quelques temps à collecter un maximum de ces jeux Flash de Nintendo et à les publier sur son site qui est sur origami64.net. Origami64.net. Et la tâche était difficile, hein? Il fallait d'abord récupérer les fichiers de ce jeu, principalement en fouillant sur The Internet Archive, et réussir à recompiler le tout pour obtenir une copie fonctionnelle pour pouvoir jouer finalement. Certains jeux qui sont aujourd'hui complets, mais pour d'autres, il manque encore des fichiers. Si vous voulez participer au projet, Skylox offre 50 $ US à quiconque offre des fichiers manquants pour compléter ces jeux-là. Flash, évidemment, se meurt en ce moment, mais s'il y a un site qui vaut la peine de réactiver, c'est celui de ce projet, nous mentionne Uber Gizmo, donc origami64.net. C'est le site à aller voir. Je vous tiens au courant pour Internet pour le reste de mes articles. Pour l'instant, on va s'écouter un petit peu de chiptune. Donc voici Algar avec Queen of the Hill, tout de suite au Mathieu Plante Show. We'll be right back. C'était la pièce Back Alley par G.R. ou Jesse is a Robot, oui, précédée de Queen of the Hill par Al Gore. Voilà, Mathieu Planchot. Je pensais à ça. On n'a toujours pas Internet dans le studio, fait que c'est pas grave. On a un téléphone dans la vie, tu sais. Fait qu'on continue, c'est Yannick, avec quelques nouvelles en direct de mon téléphone. Pour commencer. Ça commence bien avec un article qui ne charge pas sur mon téléphone non plus. Est-ce qu'on peut faire celui-là? Je crois que oui. Non. Hey, oui. Ça va pas bien. mur de lampe. Tiens, on va essayer ça, voir. Est-ce que ça fonctionne, ça? Désolé pour l'attente, hein, ça arrive. On va retourner en musique, alors. On écoute sûrement que je suis sur le même réseau sur mon téléphone, c'est ça le problème. On écoute une autre pièce de Amateur DJ. Voici Vitality, tout de suite au Mathieu Plante Show. On s'organise avec ça, puis on revient. Amateur, les DJ avec Vitality au Mathieu Plante Show. Maintenant, ben, comme je disais, hein, Internet sur mon téléphone, pas en studio. Donc voici le segment Tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, la chronique où on parle de tout ce qui bouge, que ce soit à pied, en voiture ou autre. Quelques petites nouvelles en bref. Commençons par un robot quadrupède qui est capable de prendre l'ascenseur tout seul. Des chercheurs suisses ont développé un framework qui étend les capacités motrices des machines, ce qui permet à leur robot Animal, A-N-Y, mort comme un jeu de mots, de se poster devant un ascenseur pour l'appeler. Véloce et puissant, les robots de Boston Dynamics créent régulièrement l'événement sur YouTube. Ils se contentent cependant de se déplacer et de porter des charges, ce qui est déjà une petite prouesse en soi, puisqu'il faut parvenir à garder l'équilibre et ne pas entrer en collision avec l'environnement. Des scientifiques du laboratoire des systèmes robotiques de l'École polytechnique fédérale de Zurich viennent cependant d'aller plus loin grâce à leur framework baptisé FreeGate, qu'on peut traduire par démarche libre. Il s'agit d'un logiciel conçu spécifiquement pour rendre des robots à quatre pattes aussi polyvalents que des animaux. L'équipe avait présenté ses recherches l'an dernier à Cancun lors de la conférence annuelle internationale de l'IEEE. Elle vient maintenant de dévoiler une nouvelle vidéo très impressionnante où on voit son prototype autonome se diriger vers un ascenseur, s'arrêter devant, appuyer sur le bouton d'appel et y monter. Il y a un mois, les chercheurs avaient aussi posté une démonstration qui valait le détour. On y voyait Animal se plier en deux et décharger le matériel de secours fixé à son sommet. Ce qui ouvre des perspectives énormes. Ce type de robot ne va plus seulement être capable de se déplacer et de porter des charges. Il va devenir davantage multitâche et surtout autonome. On peut imaginer qu'il prendra lui-même des colis et les déchargera sans aide, naviguant également sans assistance entre escalier et ascenseur. Dans les médias, le projet suisse reste de trouver des applications dans l'inspection pétrolière ainsi que dans l'assistance. Le robot Animal ne pèse que 30 kg peut être facilement transporté par un opérateur seul, mais son autonomie n'est que de 2 heures actuellement. Sa grande force reste son système de navigation. Équipé de lasers et de caméras, il est capable de cartographier son environnement en continu et de se localiser précisément, ce qui lui permet de sélectionner soigneusement ses points d'appui tout en marchant et qui explique sa démarche robuste. Ensuite, Mitsubishi projette les clignotants directement sur la route. Le système expérimental Safe and Secure Lighting de Mitsubishi envoie les signaux de direction de la voiture, donc clignotant, stop et autres, dans une autre dimension en les projetant aussi directement sur la route. Ceci pour mieux informer les autres véhicules et les piétons. Et évidemment, ces signaux s'activent automatiquement en temps réel. Enclencher la marche arrière et un signal sera visible au sol. Pour l'heure, le système ne semble pas gérer le clignotant, mais on imagine tout à fait que ce sera opérationnel éventuellement. Mettez votre clignotant à droite et tournez à droite. Vous pouvez faire l'un ou l'autre et l'indication de virage à droite sera automatiquement répercutée au sol. Mitsubishi a conçu ce système pour diminuer les accidents avec les piétons, lesquels surviennent fréquemment la nuit. Avec de grands signaux lumineux, ceux-ci pourraient être mieux informés des intentions des véhicules. Le constructeur a l'intention d'améliorer sa technologie et le Safe and Secure Lighting sera en démonstration sur le concept car Emirai 4 au Tokyo Big Sight. En fait, c'est déjà passé, c'était au début du mois de novembre. Et finalement, on en a parlé en intro un petit peu, le robot fesse qui teste l'assise des sièges Ford. Pour vérifier le confort et la durabilité de ces sièges, Ford a mis au point un robot dont la tâche consiste à tester l'assise de ses véhicules. Un simulateur de fesses, donc, le prince des séants, le roi des postérieurs, version robot. Afin de simuler avec précision comment conducteur et passager entrent et s'assoient en voiture, Ford a créé un robot capable de recréer l'assise d'un être humain. Pour cela, les ingénieurs de Ford se sont appuyés sur une cartographie des zones de pression pour établir un schéma d'assise. Les données récoltées permettent ensuite de tester les matières et la résistance des matériaux utilisés grâce au robot en question qu'on appelle Robot, B-U-T-T, encore un jeu de mots, j'adore. Basé sur les mensurations d'un homme moyen, le robot a été utilisé pour simuler 10 ans de conduite en seulement 3 semaines afin de tester les sièges de la nouvelle Fiesta. Pour cela, le robot s'est assis et relevé plus de 25 000 fois. Cette procédure de test est désormais déployée pour tous les véhicules Ford en Europe. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres articles que je pourrais vous ouvrir ici en direct de mon téléphone parce qu'Internet marche pas en studio? Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Ah oui, ça c'est quand même assez intéressant pour les personnes riches. Hein? Changer de Porsche à loisir avec cet abonnement à 2 000 $ par mois. Ouais, il existe des abonnements pour tout, qu'on parle de livres, de musique, de films, mais un abonnement pour les voitures, c'est pas commun. Porsche pense pourtant qu'il y a un marché pour ça. Le constructeur vient de lancer un service d'abonnement mensuel permettant à ses abonnés de changer de Porsche à loisir. Acheter une voiture, c'est bien sûr onéreux, mais Porsche particulièrement. Ici, c'est le programme Porsche Passport à 2000$ par mois. Le client peut changer de véhicule fréquemment. Le programme d'abonnement mensuel offre des échanges réguliers de véhicules, un kilométrage illimité, un accès à la demande à 22 modèles de Porsche. Reste maintenant à préciser cette notion de fréquence. Est-ce que c'est limité à un changement par semaine, par mois, tous les deux ou trois mois? On ne sait pas. Mais si vous avez besoin d'un véhicule différent dans un but précis, par exemple un VUS pour partir en voyage, l'abonnement pourrait être intéressant. Ceci, évidemment, si vous pouvez vous acquitter des 2000$ minimum US demandés chaque mois. Et si vous souhaitez avoir accès au catalogue complet des 22 modèles, là, la facture mensuelle monte à 3000$. Ensuite, parlons d'un réseau de recharge ultra rapide pour les véhicules électriques. Pourquoi pas? Donc, on parle ici des groupes automobiles BMW, Daimler et Ford et Volkswagen qui ont décidé d'unir leurs forces pour déployer un réseau de bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques en Europe. L'objectif est d'installer 400 stations d'ici 2020. L'idée qui a germé en 2016 est désormais une réalité. Les groupes BMW, Daimler, Ford et Volkswagen annoncent la création d'un consortium européen pour le développement d'un réseau de recharge ultra rapide des véhicules électriques. L'objectif est de mettre à disposition des Européens quelques 400 stations de recharge à haute puissance d'ici 2020. Baptisé Ionity, ce consortium basé à Munich en Allemagne est dirigé par Michael Ajech en provenance de BMW et Marcus Grohl de chez Porsche. Oui, va donc implémenter petit à petit un réseau de recharge ultra rapide doté de bornes d'une capacité atteignant les 350 kW à destination des propriétaires de véhicules électriques un peu partout en Europe. Selon ses responsables, 20 premières stations localisées en Allemagne, en Autriche et en Norvège devraient être opérationnelles d'ici la fin 2017. Ionity souhaite ainsi créer le premier réseau européen de stations de recharge ultra rapide dans le but de favoriser les longs trajets, les véhicules électriques gagnant significativement en autonomie. Je suis pas habitué de lire sur un aussi petit écran en ondes, je m'excuse. Autonomie et pouvant dorénavant parcourir jusqu'à près de 500 km avec une seule charge. Pour mener à bien son projet, Ionity collabore d'ores et déjà avec les infrastructures existantes, qu'elles soient publiques ou privées, dans chaque pays. Le consortium annonce qu'il est ouvert aux autres constructeurs désireux de participer à l'essor de la voiture électrique en Europe. On rappelle dans certains pays comme la France qu'il y a actuellement un peu plus de 20 000 points de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables accessibles au public. Selon l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique Aver France, ces statistiques ne tiennent pas en compte les points de charge à domicile et sur les lieux de travail. Je crois que... Est-ce que j'ai du temps pour une dernière? Oui, en fait, j'ai pas le choix. Donc, allons-y avec le Royaume-Uni qui pourrait justement obliger les stations-service à avoir des postes de recharge pour les voitures électriques. L'autonomie des voitures électriques a grandement augmenté ces dernières années, mais si on veut démocratiser ces engins, il faut développer les infrastructures et notamment multiplier les bornes de recharge. Le Royaume-Uni réfléchit actuellement à obliger les stations-service traditionnelles à en installer. Les stations essence sont très nombreuses à l'heure actuelle. Les propriétaires de véhicules électriques n'auraient plus à s'inquiéter de savoir où recharger si chacune d'entre elles disposait ne serait-ce que d'une seule borne. Et c'est notamment ce dont il était question dans le Automated and Electric Vehicles Bill annoncé durant le discours de la Reine il y a quelques mois. Ce projet de loi demande aussi à ce que tous les services d'autoroute du Royaume-Uni et les grands revendeurs pétroliers participent à l'opération. Le gouvernement aurait ainsi toutes les cartes en main pour rendre obligatoire l'installation de bornes de recharge dans tout le pays. Selon le ministre des Transports, John Hayes, ils veulent faire du Royaume-Uni le meilleur endroit au monde pour faire des affaires et le meilleur pays en termes de technologie de transport. Et c'est pour cette raison qu'ils présentent le projet de loi Automated and Electric Vehicles Bill au Parlement et qu'ils investissent plus de 1,2 milliard de livres dans cette industrie. Un projet de loi qui aidera à la construction de grosses infrastructures pour accompagner la demande grandissante de véhicules autonomes et électriques dans le futur. Un article de Uber Gizmo. Donc voilà pour le segment « Tout ce qui bouge ». C'est comme ça, hein? On finit avec des problèmes d'Internet, mais ça arrive une fois de temps en temps. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. On termine l'émission là-dessus aussi. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct, les mercredis entre 15h et 17h. On est en rediffusion les jeudis entre 13h et 15h. J'ai dit rediffusion, hein, je pense. Je vous retrouve aussi à Assemblage Hockey du lundi au vendredi de 7h à 10h. Consultez la programmation complète sur safe.ca. Retrouvez les notes de l'émission et les balados diffusion sur assemblagehockey.com. De la part de Frédéric Simon et de toute l'équipe ici de Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. C'était Mathieu Plante. Vous avez été planté. On se quitte avec une pièce de I Am Zor's Shade Storm. À la semaine prochaine. Bye bye. Yeah.